am na aussi benn kees bu nga xam mi ngi def mashroub ak al asad, mashroub al asad boobu noonu pour ziyadatu wasni la, day maye poids. 48 paquet moo ci nekk ci biir, astaghfirullah, 58 paquet benn bu nekk mi ngi dikkee 750 francs CFA, à peu près 750 francs CFA. Mi ngi tudd anaroxia, mashroubul asad, barakallahu fik.